le Centre fédéral des sociétés ouvrières espagnoles adhère à l'Association internationale des travailleurs. 1891, France, à Revin, dans les Ardennes. Le patron accepte pour la première fois de recevoir 20 délégués des métallos en grève pour une tentative de conciliation faite de promesses, de menaces et de chantage sur la retraite. 1891, hein, pas 2019, 1891. 1898, France, à Roubaix, dans une usine de tissage exploitée par Prouvost. 20 bobineuses entrent en lutte pour une augmentation de salaire. 1899, Philippines, révolte contre les nouveaux colonisateurs, les USA qui viennent d'acheter l'archipel aux Espagnols. Les insurgés, sous la conduite d'Aguinaldo, s'engagent dans une guerre contre un ennemi beaucoup plus puissant. 1907, Japon, révolte de 3600 mineurs de la mine de cuivre d'Ashio pour amélioration des conditions de travail. Le gouvernement enverra l'armée pour réprimer le mouvement, mais le signal de nombreuses grèves de mineurs de fer et de charbon est donné. 1909, Brésil. Suite à la grève des cheminots de la Great Western, après délibération avec les avocats des ouvriers et les intendants des compagnies, le gouvernement décide 30% d'augmentation pour les employés, 30% d'augmentation, vous rendez compte, 30% d'augmentation pour les employés ayant un salaire inférieur à 5000 reis, 20% pour les autres, 2 jours de repos et 3 permis par famille. 1919, Allemagne. La République des conseils de Brême est écrasée par les cours francs. Très, très important, ça. 20 ans après, on sait ce qui est arrivé. 1919, Allemagne, la République des conseils de Brême est écrasée par les cours francs. 1919, encore, Autriche, émeute de la faim et pillage à Linz, émeute de la faim. 1920, Allemagne, une loi réduit les prérogatives des conseils d'usine créés après la Grande Guerre. 1924, Inde, Gandhi est libéré prématurément de prison. 1945, URSS, début de la conférence de Yalta avec Churchill, Roosevelt et Staline. 3 vieillards vont décider de l'avenir de la planète. 1948, Sri Lanka, fin du règne britannique, indépendance. 1949, Irak, après le mouvement populaire de 1948, le gouvernement de Bagdad réagit avec violence. Les 3 meneurs communistes, Youssouf Salman Youssouf, Zaki Mahmoud Bassin et Hussein Mahmoud al-Strabihi, sont pendus en public. 1959, République fédérale d'Allemagne. À Düsseldorf, 80 000 métallos font grève pour protester contre l'installation d'une base de fusées britannique dans les environs de la ville. 1961, Angola. Insurrection anticolonialiste du MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, contre les autorités portugaises. Elle sera brisée par l'armée et remplacée par la guérilla. Février 1526, France. Le tribunal de Saverne fait venir les prisonniers détenus dans la forteresse du Haut-Bar et condamne à mort les dirigeants du soulèvement paysan. 1898, France. Les bobineuses en grève à Roubaix sont remplacées par les femmes qui attendaient du travail et qui acceptent 1 franc 60 de l'heure au lieu de 2 francs 50. voyez que le chômage, c'est quelque chose qui est important, ça, pour peser sur les épaules des gens. Hein. Le chômage, c'est une menace violente contre les travailleurs. 1802, France, Haïti, Bonaparte envoie à Saint-Domingue une colossale expédition militaire pour récupérer la colonie et rétablir l'esclavage. Toussaint Louverture y répond par la guérilla, selon une tactique révolutionnaire qui annonce déjà Mao Tse-Tung. 1902, France. Le temps de travail quotidien dans les mines est limité à 9 heures. 1918, Russie. Séparation de l'Église et de l'État. La religion est déclarée affaire privée. 1919, Espagne. À Barcelone, suite au renvoi d'un ouvrier, une grève éclate à la canadienne. Cette action va opposer le jeune syndicat de l'eau, du gaz et de l'électricité à une multinationale toute puissante, la Barcelona Action Light and Power Company. C'est de l'espagnol, ça. Hein? Action Light and Power Company. Bien sûr. Ah oui, c'est l'espagnol un peu glitch, quoi. Bon. 1923, Allemagne. En Sarre, début d'une grève de 100 jours contre les diminutions de salaire. 1923, Italie. 4 mois après la prise de pouvoir par Mussolini, des centaines de socialistes sont arrêtés. 4 mois après la prise de pouvoir de Mussolini, des centaines de socialistes sont arrêtés en 1923. 1925, Tunisie. Suite à une grève des ouvriers tunisiens de la société Chaux et Ciment Terme et de la solidarisation des ouvriers agricoles du domaine de Potainville, les dirigeants syndicalistes de la CGTT, Confédération Générale des Travailleurs Tunisiens, sont arrêtés et inculpés pour complot contre la sûreté de l'État. Eh ben tiens. 1930, Chine, dans une lettre à Lin Piao, Mao Tse-Tung écrit, deux points ouvrant les guillemets, l'essor révolutionnaire est semblable au navire dont la cime d'Emma est déjà visible à l'horizon lointain. Il est semblable à l'enfant qui frémit déjà dans le sein de sa mère et qui verra bientôt le jour. Vite, fermons les guillemets. Que ça ne sorte pas d'ici. 1967, Tanzanie. La déclaration d'Arusha fixe un modèle de développement du socialisme spécifiquement africain connu sous le nom de Joaili, esprit de communauté. Esprit de communauté. 1968, France. Le travail reprend à la Savième, à Caen. Les résultats obtenus sont assez maigres. 1969, Italie. Grève générale unitaire sur les problèmes des pensions. 1971, France. Une note secrète de la direction de l'IP explique la procédure et les astuces permettant de refuser la parole aux représentants du personnel au conseil d'administration. 1977, Tanzanie. Fondation du nouveau parti unique. Le Revolutionary People Party, il garde un gros... En gros, la même orientation que les deux autres partis qu'il remplace. 1980, Brésil. Face au vol de la terre par les grandes sociétés multinationales, les évêques du Brésil déclarent, deux points ouvrant les guillemets, nous lançons un avertissement évangélique à ceux qui ajoutent maison à maison et joignent champ à champ au point de prendre toute la place et de rester les seuls propriétaires de la terre. Ainsi que le dénonçait déjà le prophète Isaïe, IS 5, 8. 1982, Afrique du Sud, détenu au secret depuis novembre, El Agheti, 28 ans, responsable du syndicat de l'alimentation, est, guillemets, trouvé mort. Dans sa cellule de la prison de Johannesburg, il est le premier blanc, mais le 46e détenu a décédé dans les geôles depuis 1963. Ce soir, en plus du calendrier, eh bien, où il est question du 3, du 4 et du 5 février, il y aura des extraits, des enregistrements pris sur le média chaîne de télévision libre, que l'on peut capter, si on peut dire, sur Internet. Et puis, il y aura des histoires de Charline, hein, revue de presse, Georges Schoepfer, Science et Vie, de la musique, des chansons, des comiques, des politiques comiques et d'autres moins comiques. Voilà, c'est pour pour ce soir. Un moment sans précédent. Il n'existe pas de situation comparable à ce cumul d'une exaspération sociale et d'une exaspération devant l'impuissance de la démocratie à prendre en compte les aspirations populaires comme celui que nous sommes en train de vivre. Cela dure dorénavant depuis 12 semaines, déjouant tous les pronostics, je dis bien tous les pronostics, y compris les nôtres, sur ce qui allait se passer au fil des jours. Et ce n'est pas fini. Dans ces circonstances, nous affrontons le bilan le plus terrible observé au cours des 60 dernières années. Même en 1968, avec 10 millions de travailleurs en grève, ou bien en 1995, avec des millions de gens qui se déplaçaient dans la rue, on a vu une chose pareille. 1000 policiers blessés par un usage aberrant des dispositifs de maintien de l'ordre. 1800 blessés par les manifestants. Ce n'est pas rien. Nous sommes une grande démocratie observée dans le monde. Ce cumul de chiffres fait froid dans le dos. 11 gilets jaunes morts pendant la mobilisation. Une du fait d'une grenade qui l'a atteinte, une pauvre dame à Marseille, Madame Zineb Redouane, qui a reçu une grenade au premier étage où elle se trouvait. 10 autres parce que la sécurisation des points de mobilisation sur les ronds-points n'était pas garantie. 160 blessures à la tête, 18 personnes éborgnées, 4 mains arrachées. Songe-t-on à ces pauvres vies ainsi bouleversées? Qui sont ces gens? Regardons de plus près. Sont-ce des malfaiteurs connus et reconnus? Des agresseurs, des pilleurs, des saccageurs? Non, jamais. Il n'existe pas un seul cas où on peut dire cette personne s'est exposée elle-même. Ce sont toujours des gens ou qui étaient là, ou qui regardaient, ou qui n'ont pas eu la prudence de courir assez vite parce qu'ils se croyaient spectateurs, etc. Jusqu'au dramatique incident, mais si révélateur, de Monsieur Jérôme Rodriguez. Cet homme qui venait de dénoncer les violences qui se produisaient un peu plus loin était en train de filmer ce qu'il voyait, rien d'autre. Il était borgné. Dans le même temps, il faut donc qu'il y ait un responsable. La règle en République, c'est qu'on ne saurait mettre en cause tel ou tel policier individuel pour un geste inadapté, même si ce geste inadapté doit être sanctionné en tant que faute professionnelle. Mais il ne peut pas être question qu'on les rende responsables de cette situation. C'est à la politique d'assumer. On vous a dit l'effet démoralisateur qu'a eu le comportement de M. Collomb, reportant sur la hiérarchie policière toute la responsabilité de la situation créée par M. Benalla. Il en va de même aujourd'hui si vous vous contentez de dire chaque fois qu'il y a des blessures de cet ordre, nous allons voir ce qui s'est passé et qui est responsable. Non, vous êtes responsable, Monsieur le Ministre. Vous, personnellement, parce que c'est la République qui veut ça. Quelle que soit la qualité de vos intentions et votre qualité d'être humain, qui n'est pas en cause dans cette affaire, mais votre responsabilité est politique. C'est vous qui devez assumer cette situation. Si ces gens sont éborgnés, si ces policiers sont blessés, s'il y a cette situation, c'est de votre faute. On n'a jamais vu ça auparavant, dans aucune situation politique tendue dans ce pays depuis plus de 60 ans. Vous devez vous en aller et démissionner. Voilà ce que les Insoumis vous demandent. Oui, nous en faisons la demande parce que c'est le sens politique qui nous conduit à le faire. Il faut à cet instant que nous prenions assez de hauteur pour convaincre le pays de ne pas se laisser aller là où on le pousse, c'est-à-dire à l'idée d'un affrontement, j'entends dire, entre deux camps. Comment deux camps? Mais il n'y a pas deux camps dans ce pays, il n'y en a qu'un seul, celui du peuple, de sa République, de sa police, de sa sûreté collective. Il n'est pas bon que les uns s'imaginent que les autres sont des ennemis, ni que les policiers puissent penser que les manifestants sont un ramassis de voyous et de malfaiteurs, ni que ceux qui manifestent pensent que les policiers sont des brutes qui en veulent à leur vie, parce que ce n'est pas vrai. Tout ça n'est pas bon. Il faut se donner de la hauteur. Mais, vous savez, il y a des moments où les actes qu'on pose dépassent ce que peut-être on voudrait soi-même. Il y a une dérive autoritaire en ce moment, étape par étape. Je vous adjure d'en prendre conscience. Il y a à peine 18 mois que nous avons un nouveau gouvernement qui est le résultat d'une crise politique. Il n'est pas venu au pouvoir en quelque sorte naturellement. Il est venu au pouvoir sur la base de l'effondrement de l'ancienne structure politique qui dirigeait ce pays. Et dans cette situation de crise absolue, en moins de 18 mois, on a introduit dans le droit commun toutes les procédures de la loi d'urgence, de l'état d'urgence. On vient de voter une loi de réforme de la justice dont on vous a montré de toutes les manières possibles en quoi elle pouvait être dangereuse. Oui, une chose plus une autre plus une autre. Et on a à peine fini de voter cette réforme de la justice que nous revoici en train de prendre d'autres dispositions encore, pensant qu'elles vont permettre de juguler ce qui ne se peut pas être jugulé de cette manière. Je dirai à la fin comment. Alors maintenant, c'est un préfet qui va décider sans aucun juge de qui peut manifester ou pas. Mais enfin, la dernière fois qu'on l'a fait, notamment avec la loi d'état d'urgence, combien a-t-on empêché de malfaiteurs d'agir? Non, ce sont des syndicalistes, ce sont des militants écologistes, c'est ceux-là qui ont été empêchés de manifester, assignés à résidence et ainsi de suite. Monsieur le ministre, voyez-vous-même comment vous êtes entraîné d'un jour sur l'autre à en dire toujours plus dans un sens qui ne correspond pas à ce qu'est votre mission? Comment pouvez-vous dire à la radio ou à la télévision, je ne me souviens plus, demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où la casse est annoncée savent qu'ils seront complices? Mais vous outrepassez absolument votre fonction. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas menacer toute la population qui décide d'aller manifester au nom que du fait que certains auraient annoncé, je ne sais qui, de la casse. Et puis, une chose en entraînant une autre, une de nos collègues ici, porte-parole d'un groupe extrêmement important, ose dire « il y a pire que ceux qui menacent, que celui qui tabasse, que celui qui intimide. Il y a ceux qui arment les esprits pour légitimer ces violences dans ce pays et fait un signalement contre mes camarades Thomas Guénolé et Juan Branco au motif qu'ils auraient appelé à je ne sais quoi de violence. Tout ça est faux. Et vous-même, monsieur le ministre, vous le savez, lorsque vous êtes à la télévision hier et que vous dites à propos d'une phrase de monsieur Éric Drouet, voici quelle était la phrase de monsieur Drouet. Nous appelons à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires pour que plus personne ne soit victime de ces blessures de guerre. Et vous, vous dites à la télévision, c'est un appel à l'insurrection. Cette dernière déclaration relève, à mon sens, de l'infraction pénale. Nous ferons ce qu'on appelle un article 40 pour que le procureur décide s'il veut poursuivre ou pas. Vous vous rendez compte qu'il appelle à utiliser de nouvelles armes alors qu'aujourd'hui il y a des cocktails Molotov. C'est-à-dire que vous voulez enfermer tout le monde, ou bien dans une obéissance au garde à vous, ou bien c'est que vous êtes des criminels ou des gens qui s'apprêtent à poser des actes, d'autant qu'à l'heure à laquelle vous le faites, vous savez que la veille, monsieur Drouet s'est exprimé, on ne peut plus clairement, en disant « j'étais au chevet de Jérôme », il s'agit de Jérôme Rodriguez des Borniers. Quand l'équipe d'administrateurs l'a rédigé, je ne l'ai lu qu'après. Et il dit, monsieur Drouet, dans sa responsabilité, le mot « soulèvement » était de trop, ce n'est pas mon avis. J'appelle, dit monsieur Drouet, au plus grand pacifisme. Pour ma part, ce n'est pas de mon avis. Parce que l'histoire de France est ainsi faite que dans des moments comme cela, il est aussi légitime, comme l'a fait le général de Gaulle, de vouloir changer les institutions. Pour ma part, je n'accepte pas d'être traité de factieux parce que je propose, avec mes amis, le changement des institutions. Je m'inscris dans une longue tradition de remise en cause des constitutions. J'achève. Vous allez trop loin. Il y a une dérive autoritaire dont vous avez tout à craindre qu'ayant mis en place de tels instruments, ils ne finissent par tomber dans de mauvaises mains. Il ne faut pas penser qu'à soi. il ne faut pas penser qu'à l'instant où l'on gouverne. Il faut penser à la durée et à la vérité de ce qu'est la République française, aux yeux du monde et aux yeux des concitoyens. Nous voulons l'interdiction des armes qui mutilent. Vous n'avez pas de raison de dire « nous allons épuiser les stocks ». Cela est dangereux, monsieur le ministre. Et c'est lié aux circonstances. Personne ne peut reprocher à un homme qui s'est senti harcelé la journée entière de poser un acte déplacé. Nous comprenons ces choses-là. C'est pourquoi nous interdisons en France que tout le monde soit armé. Non pas parce que nous pensons que les Français sont trop durés séance tenante, mais parce qu'il faut que dans les circonstances où ces armes viennent aux mains, elles n'y soient pas. Et de même pour les armes de répression. Nous voulons l'interdiction des armes qui mutilent, LBD et grenades explosives. Nous voulons la fin de l'utilisation d'unités dont ce n'est pas le métier que le maintien de l'ordre. La BAC n'a rien à faire dans des opérations de maintien de l'ordre. La BRI n'a rien à faire. Ce n'est pas leur métier. Ils ne savent pas le faire. Ce sont les autres policiers qui ont appris. Je vais demander de conclure, voilà monsieur la raison pour laquelle j'achève. Monsieur le ministre, vous pensez que la solution est dans l'esprit de répression. Nous pensons qu'il n'y a pas d'ordre public social. Il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Et vous apprendrez à le comprendre. Je vous remercie. Le policier a tiré délibérément sur Jérôme Rodriguez, au vu de la distance, hein, puisque le policier était à quelques mètres hein, de Jérôme. Donc on ne va pas essayer de nous faire croire en fait que c'est le hasard qui fait que ce soit été Jérôme qui était destinataire d'un tir de flashball. Vous êtes l'avocat d'une des figures des Gilets jaunes qui a été agressée à Paris ce week-end par les forces de l'ordre. Il s'agit de Jérôme Rodriguez. Et vous étiez présent à l'hôpital dans la nuit du samedi au dimanche lorsqu'il a été opéré. Alors Jérôme Rodriguez et ses proches parlent désormais d'une agression délibérée. C'est votre hypothèse ? C'est l'hypothèse la plus vraisemblable, puisqu'on lui a tiré dessus. On verra, l'enquête le dira, l'enquête du GPN le dira, mais bon. Le GPN est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Hein, c'est une précision importante à apporter. Alors, bien entendu, c'est l'analyse que nous partageons, moi et Philippe Devol, que le policier a tiré délibérément sur Jérôme Rodriguez, au vu de la distance, hein, puisque le policier était à quelques mètres hein, de Jérôme. Jérôme, évidemment, est très très connu hein, des services de police. Donc on ne va pas essayer de nous faire croire en fait que c'est le hasard qui fait que ce soit été Jérôme qui était destinataire d'un tir de flashball. Alors il est très connu, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, parce qu'il filme les manifestations très souvent en live. Tout à fait. C'est ce qui en fait d'ailleurs une figure bien connue des Gilets jaunes. Il circule parfois lors de cette manifestation parisienne, il circulait à l'arrière d'une moto, parfois pour filmer. Et donc, nous sommes de nombreux manifestants à l'avoir vu. Bien sûr, mais qui ne connaît pas Jérôme ? Enfin, pour ceux en tout cas qui ont manifesté, c'est l'icône. Pour moi, c'est l'icône des Gilets jaunes. Pourquoi c'est l'icône ? Parce qu'il filme en live. Les manifestations, c'est également une icône, parce que c'est quelqu'un de très pacifique. Voilà pourquoi c'est une icône. Il ne prône pas la violence. C'est une icône également parce que il parlemente avec les forces de l'ordre, lors des NAS, pour faire sortir les personnes qui peuvent avoir des difficultés de santé. Donc voilà, c'est une icône. Jérôme n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, ça c'est un premier point, hein, donc il n'était pas en infraction. Donc comment expliquer qu'il ait eu un tir de flashball ? L'enquête le démontrera. Deuxièmement, nous avions préparé cette manifestation, ce n'était pas une manifestation illégale, nous avons fait une déclaration à la préfecture, à la préfecture de police. Ce qu'a fait le policier qui a tiré le flashball, sans sommation évidemment, ce qu'ont fait les policiers qui ont chargé des manifestations, alors ils n'étaient pas du tout agressés, on voit les vidéos, hein. Les CRS ne sont pas agressés. À partir de là, ils engagent leur responsabilité. Thank you. A laissé ses banques faire faillite et jeter des banquiers en prison. Et voici ce qui s'est produit. L'Islande, l'une des nations les plus touchées par la crise bancaire, semble avoir complètement surmonté ses problèmes, et cette année, elle devrait être le premier pays du monde frappé par la crise de 2008 à dépasser le PIB le plus élevé qu'il avait atteint avant cette crise, rapporte Zero Hedge. Le pays est parvenu à ce résultat sans sacrifier son système social et les dépenses du gouvernement. Il y a encore quelques années, l'Islande est arrivée au bord de la faillite lorsque ses banques, qui au fil des ans s'étaient montrées bien trop audacieuses, se sont trouvées en situation de quasi-effondrement. Selon le Fonds monétaire international, FMI, l'Islande a réussi à se remettre totalement de la crise, sans avoir compromis son modèle social, qui prévoit la gratuité des frais de santé et d'éducation. Le pays, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, n'a pu compter que sur lui-même pour se relever, et pour ce faire, il a opté pour une approche très originale mais efficace. À la différence des autres pays heurtés par la crise, l'Islande a laissé ses banques faire faillite, ne préservant que les comptes des ménages résidents. Les étrangers qui avaient placé leur argent dans les banques du pays ont tout perdu lorsque ces banques ont fait faillite. Ailleurs, dans le reste de l'Europe, de nombreuses banques ont été nationalisées car il n'était pas concevable qu'elles puissent faire faillite. Le pays a également imposé des contrôles de capitaux. Par conséquent, les Islandais ne pouvaient plus investir ou placer librement leur argent à l'étranger, ce qui était, selon de nombreux économistes, contraire aux règles du marché libre. De plus, le pays n'est pas intervenu pour empêcher la dévaluation de la couronne islandaise, et il a toléré l'inflation. Celle-ci a provoqué une hausse des prix domestiques, mais elle a aussi eu pour effet de stimuler les exportations. Les pays de la zone euro ne pourraient tolérer une telle dévaluation. Celle-ci renchérirait les dettes nationales des différents États membres. Mais le plan semble avoir fonctionné. La dette nationale de l'année dernière ne représentait que 82% du PIB du pays, comparativement à 95% il y a 4 ans. À la fin de cette décennie, la dette devrait même continuer à baisser pour atteindre 54% du PIB. Le chômage a également baissé de façon spectaculaire, et actuellement, le taux de chômage s'établit à 4%, contre près de 8% en 2009. De tels résultats soulèvent la question de la pertinence des politiques économiques qui ont été menées dans le reste de l'Europe ou aux États-Unis en réponse à la crise. Les banques n'auraient-elles pas dû supporter elles-mêmes les conséquences de la crise qu'elles avaient causée? D'après Zero Hedge, cette réussite contredit de nombreux économistes, notamment keynésiens, qui affirmaient que le soutien de l'économie était nécessaire pour sortir de la crise. En outre, l'Islande a fait condamner les administrateurs de Kaupthing, l'une des principales banques de la nation, non seulement à des amendes, mais à des peines de prison allant de 4 à 5 ans. Lors de leur procès, le procureur spécial islandais Olafur Oxon s'était posé la question de la responsabilité. Pourquoi devrions-nous tolérer qu'une partie de notre société ne soit pas soumise à la règle de droit ou qu'elle puisse échapper à ses responsabilités? Il serait dangereux de laisser quelqu'un devenir trop gros pour devenir l'objet d'une enquête. Cela laisserait l'impression qu'il existe un refuge sûr. Le 7-9. Vendredi soir, Cyril Hanouna animera un grand débat avec la complicité de Marlène Schiappa et cela à nouveau la présence de l'agence Win-Win. Et voilà, ouais. Schiappa chez Bolloré, c'est qui a la ramasse? France Inter, vous évidemment. Vraiment la honte de la République. La chouma totale. Ah, mais regarde De Morand, il fait sa tête de rasera. Mais mon grand, mais t'as vu ta matinale? T'as comparé avec Hanouna? Thomas Legrand, c'est quand la dernière fois que t'as mis des spaghettis dans le slip? Si, je l'ai vu à une soirée France Inter, il avait. Non, mais dans la matinale, Ah non, dans la matinale, jamais. Restez pas comme ça. Allez faire chauffer de l'eau pour les nouilles, là. Marie-Pierre Planchon. Là, les normes saisonnières, on s'en sape, on veut du Nibar. Faut rattraper le retard, allez. Dominique Seux, ça fait combien de temps qu'il a pas chanté du Patrick Sébastien? Si, je l'ai vu au karaoké à Soirée France Inter. Non, mais je te parle de la matinale. Ah non, dans la matinale, jamais. Ah bah alors reste pas là, comme un gland à réciter tes cantiques du MEDEF. Allez hop, on fait tourner les serviettes là. Et il faut les virer, les gens de cette boîte. Chante les actionnaires. Elle est où la brésilienne du 8h, la Paraguayos? On a besoin d'elle pour les Marrakech. Allez, franchement, qu'est-ce que vous comprenez pas dans le nouveau monde? Rien que ce matin, ou bien que vous êtes toujours rien pigé, vous avez invité qui? Mathieu Chédid. Ça, mais l'actu, c'est Booba et Caris, les enfants. Non, mais Mathieu Chédid, il va se battre contre qui? Contre Étienne Dao? Je vais t'éclater comme un boomerang. C'est nul, là, vos humoristes, c'est de la merde, ils font des blagues d'intello bien pensant. Personne pige que dalle. Ils se font même clasher par Darmanin, c'est ridicule, quoi. Enfin, question avec les auditeurs, ça va pas du tout. Au moins, chez Hanouna, on pourra envoyer des SMS. Ouais, si tu trouves que l'IVG, c'est une dinguerie, tu tapes 1. Si tu penses que c'est pas ouf dingo, tu tapes 2. Voilà. Prenez exemple, les Baltrans. Vos interviews, pareil, nul, ça va pas. Vous êtes complètement déconnectés, les gars. Dès que vous recevez un ministre, là, vous êtes là avec vos questions reloues, politiques, économiques. Et aujourd'hui, il faut casser les côtes, pas les couilles. Mais voilà, Salamé, tu fais de la télé, tu devrais savoir ça. Ah, mais non, ouais, Salamé, c'est foutu. Pourquoi? Non, mais attends, là, j'ai sous les yeux le programme de l'émission politique de demain soir. Et alors? Mais elle a carrément invité Benoît Hamon. Oh putain, la tristesse. Oh non, Léa, c'est l'émission politique que tu prépares, hein, c'est pas perdu de vue. Oh hein. Non, mais parce qu'à ce rythme-là, c'est qui le prochain invité? C'est quoi? C'est Yannick Jadot? Mais attends, mais déconne pas, elle l'avait ici la semaine dernière. Ah, sans déconner, je disais Jadot, j'aurais pu dire Jean-François Copé. Mais elle l'a invité aussi. Mais non, mais si. Oh là, mais tu veux finir pigiste au magazine de la défaite? Mais franchement, comment voulez-vous que les gens s'intéressent à la politique? Faut faire du show. Ouais, parce que là, le fond, toujours le fond. Comme on dit chez Win-Win. Le fond, arrêtez d'en parler. Faites comme Schiappa et Hanouna. Touchez-le. Merci à tous les deux, Guillaume Meurice, Charline Vanhoenacker de l'agence Win-Win. De quoi est fait l'univers, page 92 et suivante. Tous les ingrédients de l'univers sont enfin connus. Eh oui, parce qu'il y avait un gros problème. Il y avait une grosse partie du poids de l'univers qu'on avait calculé et puis on ne savait pas en quoi ça consistait. Alors il y a, malheureusement pour nous, enfin bon, ou heureusement, on ne sait pas trop les conséquences, mais 70% d'énergie noire, 70% du poids total de l'univers, c'est de l'énergie noire. L'université est composée à majorité d'une énergie dont les astrophysiciens ignorent tout, si ce n'est qu'elle accélère l'expansion du cosmos. Les astres s'éloignent les uns des autres à grande vitesse, à cause, vraisemblablement, de cette énergie noire. 25% de matière noire, une particule inconnue, structurée en halo invisible, accélère la course des étoiles dans les galaxies et les galaxies dans les amas. Alors c'est 5%, là. Ce qui reste, c'est 5% de matière qu'on pourra appeler ordinaire, la matière que l'on connaît, la matière qu'on touche tous les jours ou qu'on pourrait toucher tous les jours, la vraie matière, on pourrait dire, la vraie matière vraiment physique, enfin perceptible par nos sens. Hein. Et puis, il y a 7% d'étoiles et de planètes, 7% de gaz dans les galaxies, 4% de gaz dans les amas de galaxies, 43% de gaz froid en dehors des amas, 6 à 15% de gaz diffus, jusqu'à 30% de filaments de gaz. Hein, voilà, le monde il est encore plus bizarre. Je crois que plus les scientifiques répondent à des questions anciennes ou relativement récentes, eh bien plus ils ouvrent de nouvelles questions. Alors là, ils risquent pas d'être au chômage les chercheurs, parce qu'il y aura toujours de plus en plus de choses à chercher. À mesure qu'on trouve, eh bien on trouve qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'avait pas pensé. Hein. Voilà. Alors, encore un problème, le casse-tête industriel à l'échelle mondiale, c'est le recyclage notamment des matières plastiques. Alors, on a commencé à trouver des enzymes qui étaient capables de manger le plastique, de manger certains plastiques dans certaines conditions. Alors, le problème, c'est que les enzymes en question sont à la fois trop lentes et trop chères. Espérons que ça va s'améliorer, parce qu'on entasse de plus en plus de plastique un peu partout, dans le sol, sur le sol, dans les océans, dans nos organismes, etc. Les bioplastiques, alors on a dit, en fabriquant du plastique à partir de matières vivantes, de végétaux, eh bien on va faire des plastiques que la nature saura digérer, disons. Les bioplastiques, point d'interrogation, pas forcément verts ni vraiment biodégradables. Bon, c'est une piste qui est intéressante, qui a commencé à donner des résultats, mais on n'a pas encore atteint le but qu'on s'était fixé. Hein, voilà. Eh bien, il faut continuer, hein. Persévérez, messieurs les chercheurs, mesdames les chercheuses. Alors, une vérité qui va pas faire plaisir à nos industriels, à nos banquiers et à nos politiques, et surtout pas à monsieur Macron, la paresse, alors c'est la page 106 de Science et Vie de janvier 2019, la paresse est un don de l'évolution. Vous vous rendez compte un peu, la paresse est un don de l'évolution. Oh là là, c'est contraire aux lois de l'économie qu'on apprend à HEC ou à ENA. Hein, ça. La paresse n'est pas honteuse, elle est inscrite dans nos gènes et dans nos neurones grâce à la sélection naturelle. Car cette loi du moindre effort a permis la survie de nos plus lointains ancêtres. Eh oui, entre les livres de développement personnel qui prétendent que se lever aux aurores est la clé du bonheur, et les slogans de santé publique qui nous répètent que rester assis plus de 2 heures par jour augmente le risque de cancer, la paresse n'a jamais eu aussi mauvaise presse. Qu'on se rassure, cependant, si la plupart d'entre nous cédons volontiers à la mère de tous les vices, entre guillemets, mère de tous les vices, et préférons le canapé au vélo elliptique, ce n'est pas entièrement de notre faute. Car des études récentes l'ont établi, nous sommes des paresseux nés. La paresse est un caractère de la sélection naturelle que la sélection naturelle a inscrit dans le patrimoine génétique de l'humanité et donc dans les neurones de chacun d'entre nous. Voilà, on n'a plus à être honteux maintenant. Encore d'autres articles, mais tirés cette fois du numéro de novembre 2018. Par exemple, page 32, un nouveau médicament révolutionne le traitement d'une neuropathie mortelle. Là, je vais m'en tenir au titre. Hein. Optique, un prototype d'œil bionique a été imprimé en 3D. Alors, il reste à le perfectionner pour le rendre compatible avec le vivant vrai, disons. Hein. Mais voilà, il y a déjà des gens qui sont sur une piste là pour créer une prothèse d'œil ou de rétine au moins. L'intelligence artificielle, bientôt For President. Ville de 150 000 habitants située au sud-est du Japon, Tama est entrée dans l'histoire en avril dernier à l'occasion de ses élections municipales, car parmi tous les candidats au poste de maire, l'un d'eux n'était pas humain. Il s'agissait d'une intelligence artificielle, épousant sur les affiches les traits d'un androïde aux formes joliment féminines. Un maire IA, intelligence artificielle. À l'origine de cette très sérieuse candidature, Michi Ito Matsuda, 44 ans, ancien candidat malheureux à la mairie, qui a détaillé son programme sur son compte Twitter. Pour la première fois dans le monde, une intelligence artificielle se présente à une élection. L'intelligence artificielle va changer Tama. Avec la naissance d'un maire robot, nous allons conduire une politique impartiale et objective. Vous entendez ça? Une politique impartiale et objective. Oh, vive les robots qui vont enfin humaniser la politique. Nous allons mettre rapidement en œuvre, ça c'est moi qui l'ajoute, nous allons mettre rapidement en œuvre des lois bien renseignées et avec un savoir-faire technique pour diriger la nouvelle génération. Ah oui. Un vrai programme est de fait, si le maire IA, intelligence artificielle, n'a finalement pas été élu, il a tout de même récolté 9% des voix. Loufoque, point d'interrogation. Tellement japonais, point d'interrogation. Au contraire, point d'exclamation. Après tant d'autres domaines, médecine, industrie, la politique assistée par ordinateur propose, sur le papier, de rationaliser au mieux les prises de décision, de traiter de façon optimale des dossiers toujours plus complexes, de livrer en un temps record des analyses prenant en compte un maximum d'informations. Sans compter que l'intelligence artificielle a pour elle d'être théoriquement infatigable et argument non négligeable d'être a priori insensible à la corruption. Ce sont des farceurs, les gens qui écrivent dans Science et Vie quand même, a priori insensible à la corruption. Comme si les politiques étaient sensibles à la corruption. Allons. Moi, je ne sais pas si je vais continuer à m'abonner à Science et Vie, hein, parce que, ou alors j'arrête de voter, hein, c'est un des deux. Hein, faut de quoi prendre le relais des responsables politiques dépassés et en perte de vitesse auprès des électeurs. Certains en sont d'ores et déjà convaincus. Oh, est-ce que c'est votre cas, mesdames et messieurs, les auditeurs de RGM? Soyez au clair, il ne s'agit pas de demander à un robot de fixer une ligne politique, mais de la suivre. Eh oui, on pose le problème et le robot est chargé de le résoudre. Jusqu'au jour où on lui demandera aussi de poser des problèmes. Ben oui, ça sera tellement tentant lorsque ça sera réalisable. Voyons. Et de fait, dans l'ombre des bureaux des conseillers et d'autres cabinets, l'IA est déjà prête à rendre de précieux services. Les systèmes d'aide à la décision, incluant de l'intelligence artificielle, s'appliquent aujourd'hui à la décision stratégique dans les organisations, mais aussi à la gestion des politiques publiques. À la gestion des politiques publiques, c'est écrit. Eh oui, j'ai souligné. L'allocation de ressources, l'allocation de services, l'optimisation des infrastructures et des transports, la décision collective, le vote. Énumère Patrice Perny, directeur du département décision, système intelligent et recherche opérationnelle du laboratoire informatique de Paris 6, Sorbonne, Université LIP 6. Alors on se posait des questions, on se demandait pour quelles raisons nos politiciens de métier avaient décidé de faire baisser le recrutement des médecins, hein, dans les années passées, et ça continue maintenant. Eh bien, il y a peut-être un commencement de réponse dans l'article de Science et Vie de novembre 2018, page 56, qui nous parle de cabines de télémédecine, les promesses à l'épreuve du réel, tensiomètre, stéthoscope, électrocardiogramme, la consulte station et la cabine médicale à tout faire. Une cinquantaine sont déjà installées en France. C'est pas de l'utopie, c'est pas du Jules Verne qui voit les choses pour dans un siècle. Non, c'est une cinquantaine sont déjà installées en France avec une consultation désormais remboursable. Comment ça marche? Il existe plusieurs types de cabines, mais le principe est le même. Le patient s'identifie avec sa carte vitale et par visioconférence, un praticien surveille l'auscultation en indiquant comment utiliser les instruments. À la fin, le patient reçoit l'ordonnance, un rapport complet et un ticket pour récupérer ses données sur un site web sécurisé. Alors il y en a comme ça toute une page. Voilà. Alors la consultation, c'est 25 €, tarif remboursable sous condition d'une téléconsultation, soit le prix d'un généraliste. Alors on gagnera peut-être, je parle, le temps d'attente à la salle d'attente, le fait qu'on pourra avoir accès, 24 heures sur 24. C'est un système qui est en train d'être testé, mais ça va nous arriver comme ça dans la vie au moment où on n'y pensera plus. Hein. Oui. Rappelez-vous les pilotes d'Air France qui faisaient grève souvent il y a quelques années. parce que ils étaient surchargés de travail, on leur demandait de faire beaucoup d'heures supplémentaires, et eux, ils trouvaient que c'était pas normal, parce qu'ils étaient fatigués, ils trouvaient que c'était un problème de sécurité pour eux et pour les personnes transportées, et voilà, alors ça a duré un certain temps, jusqu'où, et on ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi Air France et les autres compagnies aériennes avaient diminué le recrutement de personnel navigant, notamment de pilotes. Eh bien, on a compris le jour où Airbus est sorti. Parce que Airbus, au lieu d'être piloté à 3, il était piloté à 2. Voilà. Donc, nos dirigeants avaient anticipé une technologie qui était en train d'arriver sur le marché. Alors, BCG, le bacille de Calmette-Guérin, vous savez, le vaccin contre la tuberculose. On l'ignorait, mais le BCG cache une vraie panacée. Le panacée, c'est le médicament universel. Le vaccin semble efficace contre le cancer, la sclérose en plaques, les infections et même le diabète. Des vertus insoupçonnées qui plaident Elsa Abdoun, redore l'image du vieil anti-tuberculeux. Alors, il y a quatre pages d'articles à lire. Six pages. Alors c'est intéressant bien sûr, mais on ne voit pas tous les récits bien sûr. Restez avec nous, Rachida Dati, car on m'annonce que Madame Morano vient de nous rejoindre. Salut les gauchos, Dati est de retour. Oh là là, et vous pensez peut-être qu'on était foutus? Que nenni! Avec Rachida, on n'est pas back on the top, hein. Oh là là, on se croirait en 2007. Pas... Non mais attendez, juste une chose, j'avais pas prévu de rester, donc vous pouvez faire votre chronique. Je sais pas si elle est drôle ou pas, je suis assez sensible à l'humour, mais je vais aller déposer ma fille à l'école. Mais Rachida, allez-y, pas de problème. Voilà, bah parce que Rachida, vous l'avez invitée, mais moi, comme d'habitude, j'ai dû me taper l'incruste. Hein, bah bientôt, vous pourrez plus échapper, faudra aussi lui envoyer son petit carton à Nadine, hein. Allez, fais péter le biristol de Moran, fais pas ta mijaurée. Oh, les bols chauds de la matinale, vous m'avez manqué, tiens. Et Madame Salamé, ça, je peux laisser mon sac par terre ou je vais me le faire piquer, hein. Ah, je me méfie, hein. Dis donc, elle a plombé l'ordre. Dis-moi, c'est Rachida ou pas? Rigolez plus, là! Oh là là! Dis donc, d'habitude, vous rigolez avec Nadine, merde! Bon, alors, les gars, c'est le retour de la Dream Team! Aujourd'hui, on désigne la tête de gondole pour les européennes, mais attention, sur la liste, il y a aussi toute l'arrière-boutique, hein. Avec Dati, bon, bah, elle est plus là, comme au Parlement, quoi. fois, Hortefeux et Bibi, pour une fois, Wauquiez a une bonne idée. Du coup, c'est bon, il a rempli son quota pour l'année. Il a placé des inconnus dans le trio de tête pour marquer le renouveau de la droite, mais derrière, il envoie les poids lourds, hein, les cadors des années Sarko, l'agence touriste de la carchérisation. On voit bien que les gens sont nostalgiques de mon Nico, hein, parce que il n'y avait pas tous ces feignants en gilet jaune quand il tenait la baraque. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Sarkozy conseille Macron en ce moment. Eh, mon Nico, c'est devenu le nouveau Jacques Attali. Et notre nouveau numéro 1, François-Xavier Bellamy, est fixe comme on l'appelle. Vous avez vu cette classe, il crève l'écran quand on fait des selfies. Hein. Oh bah lui, c'est l'intello du groupe. Hein. Vous vous rendez bien compte que c'est pas avec Luc Ferry qu'on allait peser dans le game. Et fixe, même son nom, ça fait cultiver Bellamy. C'est un bouquin, ça, non hein. Bah alors, les génies du gauchisme, vous connaissez pas Balzac? Il est prof à l'université. Ouais, c'est une blague Télérama. Bellamy, hein, pas Balzac, qui est prof, un philosophe. Dès qu'il parle, j'ai mal à la tête. Bon, ça nous change de Wauquiez. Hein. Lolo, c'est plus le mec qu'il y en a dans le pantalon, vous voyez. C'est pour ça qu'il a pris quelqu'un qu'il y en a dans le ciboulot. Comme on était un peu à la ramasse niveau rassemblement, on tente le renouvellement. C'est moderne, ça fait nouveau monde. Et nous aussi, on disputes. On disrupte. Ah, je sais jamais comment ils disent leur truc là. On disrupte, voilà. Vous savez, nous, à l'UMP, on n'a pas peur du changement. Ah zut, j'ai encore du UMP. Bon. Bon, alors oui, c'est vrai, il est contre l'IVG, le mariage homo. Bon, pas moi, parce que voilà, ma très bonne amie noire, elle a un très bon ami gay aussi. Aujourd'hui, on peut être contre l'immigration et en même temps contre l'IVG. D'ailleurs, j'en parlais avec Brice Hortefeux hier qui me disait les avortements, quand il y en a un, ça va, c'est quand ils sont nombreux que ça pose des problèmes. Merci, Charline Vanhoenacker, très belle perruque blonde. Au cœur de la ville de Nancy, ce n'est pas juste un bâtiment, mais bien une place tout entière qui arrive en première position, la place Stanislas. Une place qui a pris le nom d'un ancien roi de Pologne qui fut l'arrière-grand-père de trois rois de France, rien que ça. Inaugurée en 1755, cet ensemble unique d'architecture néoclassique est une gigantesque œuvre d'art. Pour Florence, qui a grandi ici, c'est même bien plus que ça. J'adore cette place, elle fait partie de moi, elle fait partie comme de mon ADN, comme de quasiment tous les gens d'ici. Il y a une lumière irremplaçable, et c'est un endroit convivial. La place, ici, elle est incontournable. Quand il fait beau, c'est ici qu'il y a le soleil, toute la journée, en terrasse. Si cette place est incontournable pour les habitants, c'est tout simplement parce qu'elle est située en plein centre de la ville. N'est-ce pas, Sophie ? Comme la place Bellecour à Lyon ou encore la place des Quinconces à Bordeaux, la place Stan, comme on l'appelle parfois à Nancy, est vraiment le lieu de rendez-vous. Si vous voulez donner un point de rencontre à un Nancéen, c'est sur la place Stanislas. Il y a encore quelques décennies, ce lieu de rendez-vous tant apprécié et estimé par ses habitants avait pourtant un tout autre visage. Il y a eu un parking jusqu'en 1983, c'est-à-dire jusqu'à son classement à l'UNESCO. Fort heureusement, les parcs-mètres et les places de stationnement goudronnées ont laissé place aux pavés en pierre qui ont contribué à lui restituer sa véritable identité. Tout autour de la place, des sculptures plutôt classiques font bon ménage avec une œuvre qui, à l'inverse, est plutôt ostentatoire. On est devant un des exemples rococo ou rocaille absolument parfait, qui vient tempérer le classicisme de la place en général. Cette amphitrite, on a dit qu'elle avait été dessinée à partir de portraits de la marquise de Boufflers, qui était la maîtresse de Stanislas. Il paraît que le confesseur de Stanislas détestait cette fontaine, la trouvait impudique. Le pauvre confesseur a dû s'étrangler en entendant cette autre histoire qui concerne une autre statue, celle de Stanislas lui-même. D'aucuns se demandent peut-être ce qu'il indique avec son doigt. En fait, il montre l'Arc de Triomphe. Simplement, au XIXe siècle, il y avait une version un peu moins respectueuse qui disait qu'il indiquait le quartier des Maisons Closes. Stanislas, personnage le plus important de la ville, qui possède même une statue à son effigie, ce n'était pas gagné d'avance. Déchu de son titre en Pologne, il doit son arrivée à Nancy à un événement inattendu. Louis XV va lui demander la main de sa fille Marie. Ce mariage royal arrange bien les affaires de ce cher Stanislas, d'autant que cette union va plutôt bien fonctionner. Michel, une amie de Florence, nous la raconte à sa manière, plutôt imagée. Allez, raconte. Comme elle était assez jolie fille, qu'elle avait toujours vécu sainement, tout de suite son mari l'a trouvée à son goût et immédiatement il l'a mise dans son lit. Et comme c'était une bonne jument, et que lui était un percheron à la hauteur et qui était assez actif à l'horizontale, si je puis dire, ils ont eu de beaux enfants et ça a permis d'assurer une dynastie qui était tout à fait intéressante. Une jument et un percheron qui vont enfanter pas moins de 10 enfants, dont l'un, Louis-Ferdinand de France, sera le père de 3 rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. En plus de plusieurs souverains, la France doit à Stanislas une spécialité inattendue. C'est à seulement quelques dizaines de mètres de la place que vous trouverez la personne la plus indiquée pour en parler. Yvain est chef cuisinier et l'invention de Stanislas, c'est un gâteau. Alors il paraît que c'est ici qu'on mange les meilleurs babas. Faut goûter avant de dire ça, Florence, on va y aller. Vous avez bien entendu, Stanislas est le père du baba au rhum. Enfin, du baba tout court. Car le rhum serait plutôt une idée de pâtissier parisien. Stanislas, lui, préférait une autre boisson. Sur la fin de sa vie, on sait qu'il avait perdu ses dents et on raconte qu'il a imbibé sa babka avec le vin de Tokaj, qui était son vin préféré. Et de là, c'est développé une tradition dans l'aristocratie de manger cette brioche imbibée de ce vin moelleux. La babka de Stanislas est un gâteau bien connu dans sa Pologne natale. Et de babka à baba, il n'y a qu'un pas. Alors celui divin est-il bon ? Florence sera le babaromètre. Alors Florence, ça vous plaît ? Quand je ne dis rien, c'est que c'est très bon. C'est vraiment très bon. J'aime tous les gâteaux. Le baba au rhum. Après ce petit délice, Florence va encore se faire plaisir, d'une toute autre manière. Elle se rend dans un endroit qui ravirait n'importe quel Nancéien. Car Thierry est un des rares privilégiés à habiter Place Stanislas. Voilà Florence, ça c'est ma vue. En effet. Extraordinaire, magnifique. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Ah, je comprends. C'est beau le matin, c'est beau le soir, c'est beau tout le temps. C'est beau l'hiver, c'est beau l'été. C'est d'autant plus agréable depuis que la place est piétonne, puisque voilà, on est là en pleine ville et on n'a pas un bruit. Donc c'est vraiment c'est un petit endroit miraculeux. Paradis, oui. C'est un paradis dans le paradis. Un paradis qui, à la nuit tombée, revêt ses habits de lumière pour un moment féerique. Rendez-vous Place Stanislas, c'est tout l'été et c'est une bonne façon d'admirer cette fierté nancéienne. l'heure des concertations. La concertation préalable à l'élaboration du SAGE de l'ANOP des GTI se poursuit ce 16 janvier à Contrexéville avec le premier atelier participatif. Il y sera question des scénarios envisagés pour réduire le déficit en eau. Alors GTI, c'est la nappe des grès du Trias inférieur. C'est une nappe d'eau minérale, disons, qui est en train de s'épuiser. Voilà. Alors les industriels qui pompent cette nappe-là, eh bien, ils épuisent quelque chose qui pourrait être considéré comme un trésor national à conserver à tout prix. Et à n'utiliser, si possible, que au bénéfice des populations locales et en faisant attention de ne pas épuiser la ressource. L'avocat placé en garde à vue témoigne. Ce samedi, Maître Vallas du barreau d'Épinal a été placé en garde à vue lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Nancy, alors qu'il dénonçait les conditions dans lesquelles étaient retenus les manifestants. Il livre sa version des faits. Alors pour ça, il faudrait lire l'article qui fait plus d'une demi-page. Malheureusement, on n'a pas le temps. Voilà, c'était donc Vosges Matin du lundi 14 janvier 2019. Le 14 janvier 2019 encore, la lettre du président aux Français. Au lendemain d'un neuvième samedi de manifestation, des gilets jaunes marqués par un regain de mobilisation, Emmanuel Macron publie dans la presse régionale une lettre pour inciter les Français à participer au grand débat. Oui, eh ben ceux qui ont déjà commencé à participer, et ils ont commencé à comprendre leur douleur, ils ont l'impression de perdre leur temps. Voilà. Alors, pacifique, des femmes gilets jaunes ont manifesté dans plusieurs villes. Ah oui, quand c'est des femmes qui manifestent, on n'ose pas dire qu'elles ont cassé des vitrines, hein, parce que personne ne le croirait. Alors, qui casse les vitrines d'habitude? Est-ce que ce sont des manifestants? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Ce sont des provocateurs qui sont là pour faire des choses que l'on pourra reprocher aux manifestants, alors que c'est pas eux qui l'ont fait. Européenne, le troisième tour de Le Pen. La présidente du Rassemblement National fait du scrutin européen du 26 mai prochain une réplique du deuxième tour de la présidentielle perdue en 2017. Il s'agit de battre Macron, président incompétent. Voilà, alors au présidentiel, on avait le choix entre la peste et le choléra. Vous avez choisi, les amis électeurs, électrices, le choléra. Eh bien, on aura la peste la prochaine fois. Un contrôle pollution qui ne changera rien. Des contrôleurs techniques d'Épinal reviennent sur le volet pollution du contrôle technique qui a été repoussé de 6 mois par le gouvernement. Initialement prévu pour entrer en vigueur début janvier, il est repoussé en juillet. Ouais, c'est comme le tango argentin. Si j'avance, tu recules, un pas en avant, deux pas en arrière, comment veux-tu que... Voilà. Le collège aux couleurs allemandes à Éloy. Une journée franco-allemande est organisée tous les ans au collège René Cassin depuis 2003. Les élèves découvrent ainsi les traditions culinaires et musicales de ce pays. De quoi ravir les collégiens. Ah oui, des belles mélodies, hein. Très entraînantes, parfois même. Nancy, Auxerre, vendredi 25 janvier à 20h, billetterie ASNL net. Eh bien, c'est une page complète, une pleine page de Vosges Matin. Alors, je ne sais pas combien coûte une publicité d'une page dans Vosges Matin, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Ben oui, c'est de la pub, c'est de la pub. Cancer, quel type, quelle région? Publication scientifique. Les autorités sanitaires ont publié jeudi sous la forme de 16 rapports régionaux des estimations du nombre de cancers et de leur taux de mortalité en fonction des régions de France pour la période 2007-2016. Alors le Grand Est est dans la moyenne nationale. Voilà, on peut mieux faire, sans doute. La pollution, encore la pollution, sans doute, toujours, au travail, et puis dans la vie. La pollution, la consommation, les gens qui habitent près d'un champ, où on répand du glyphosate, les gens qui mangent des légumes, des fruits qui ont été traités au glyphosate. Hein, voilà, des raisons d'attraper du cancer, et puis il y en a beaucoup d'autres. Ces craintes pour les vrais manifestants. Cette loi, c'est une tentative de criminaliser un mouvement social. Maître Anoa Pascal, avocat de plusieurs gilets jaunes, est catégorique. Ce n'est pas une loi anti-casseur, mais une loi anti-manifestation, anti-opposant politique. Elle poursuit. On veut créer un climat de crainte pour ceux qui viendraient manifester. Les interdictions administratives, d'abord, on a dit que c'était pour les hooligans, puis pour les terroristes, maintenant pour les casseurs, et ensuite, chaque mesure qui empiète, qui grignote les libertés, celle de manifester, de se réunir, d'exprimer ses idées, d'être présumé innocent, d'avoir un procès équitable, finalement, elle a vocation à s'appliquer au plus grand nombre. Son confrère, Maître Martin Méchain, n'est pas plus tendre. Concrètement, c'est le préfet, donc l'État, qui dit « Toi, tu n'as pas le droit de manifester ». Cela traduit une volonté politique de maîtrise du débat public et du droit à la contestation. On est dans la surenchère répressive. Bien sûr, on ne parle pas de dictature. En revanche, des dérives clairement autoritaires. Absence répétée. Grand Est, Conseil régional. Vendredi 25 janvier 2019, Vosges matin. 25 conseillers régionaux écopent d'une baisse de leur indemnité pouvant aller jusqu'à 50% pour manque d'assiduité sans excuse aux réunions, soit 15% des 169 élus du Grand Est. Alors, la championne de tous ces mauvais élèves, et la première, c'est Stéphanie Coniglio, du groupe Les Patriotes. Elle était absence non justifiée 11 fois. Taux de modulation 50%. Ensuite, le deuxième, c'est Dominique Bild, RN, 10 fois 50%. Troisième ex aequo, Paola Zanetti, Les Progressistes, 10 fois 50% aussi. Quatrième, Véronique Guillotin, majorité, 5 fois 50%. Quatrième ex aequo, Jennifer Stéphanie, sans étiquette, 5 fois 50%. Cinquième, Patricia Bruckmann, Rassemblement National, 2 fois 30%. Sixième, Christine Guillemy, majorité, 4 fois 30%. Et comme ça, il y en a un paquet. Alors 40, c'est le nombre de réunions annuelles obligatoires pour les élus régionaux. Alors il y en a un certain nombre qui ont loupé de ces réunions. Voilà, alors quand certains se permettent de critiquer l'attitude, l'action des élus, eh bien, ils n'ont pas toujours tort. Voilà. Le Mussipontin interpellé par le RAID, placé en détention. Voilà, la manifestation des Gilets jaunes auxquels s'étaient joints les éléments extérieurs le 5 janvier à Épinal avait tourné à l'émeute. Oh là là là, que de grands mots. On parlait d'émeutes à d'autres occasions. Des professeurs en grève à Gérardmer. Une trentaine de professeurs du lycée de la Haie-Griselle à Gérardmer a fait grève ce jeudi. Leur inquiétude porte sur le contenu de la réforme du bac et sur la baisse de moyens à la rentrée 2019. C'était le 25 janvier 2019 dans Vosges matin. Le loup de la plaine des Vosges en sursis. Ouest Vosgien. Comment adapter le plan loup aux spécificités locales. Le préfet référent du plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage, Xavier Doublet, a pris toute la mesure des dégâts causés par le loup dans la plaine des Vosges. Alors, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 parlementaires, représentants, élus, administratifs vosgiens sur la photo, et il y en a 2, 3... qui font la même mimique, ils lèvent les deux mains de chaque côté, un doigt tendu en avant. Alors, ils sont en train d'argumenter, sans doute, sur la manière de pourchasser le loup, de le tuer, des raisons pour lesquelles il faut supprimer les loups. Hein. Bon, il y a des pays où les loups ne gênent personne. Bon, on se demande... passons. Hein, moi, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Si vous avez une idée, vous pouvez toujours appeler Radio Guémozo puis donner votre avis. 81 suppression de postes chez Elivia. Ah, et ben le loup encore, bien sûr. Hein, c'est le loup qui est responsable du chômage, des 6 millions de chômeurs. Le loup, oui, c'est le loup. 81 suppression de postes et la fermeture du site d'Eloi au mois de mai ont été annoncées hier lors d'un comité d'entreprise. Une décision prise en raison des difficultés financières du groupe. Bon, voilà, encore des chômeurs en fabrication. Et puis voilà. 5 gilets jaunes mis en examen à Épinal. les gilets jaunes manifesteront à Gérardmer. Ça, c'est un journal déjà un peu ancien. Ben non, c'est le samedi 26 janvier. Voilà. Les gilets jaunes, encore, les gilets jaunes, ils ont bien du courage, parce que ça fait quand même un certain temps que ça dure. Et ils continuent à manifester. Hein, voilà, malgré le froid, malgré l'humidité, malgré l'absence de résultats pour l'instant, parce que jusqu'à présent, on a fait des parlottes avec eux. On leur a dit que peut-être qu'on allait penser à réfléchir et qu'on allait débattre. Ouais, c'est pas des débats qu'ils veulent, eux. Ils veulent des résultats concrets, des choses concrètes, des sous sonnants et trébuchants qui permettent de finir les 15 jours du mois, hein, de payer ce qu'on a à payer et avoir une vie digne de ce nom. Épinal, santé, hôpitaux, après-midi mouvementé. Alors là, c'est le samedi 26 janvier 2019. Le contrat de performance des centres hospitaliers d'Épinal, oh ça j'adore ça, contrat de performance. Alors là, qu'on demande aux coureurs automobiles, aux coureurs cyclistes de faire des performances, ça se comprend tout à fait. Hein, ce sont des sportifs. Mais qu'on demande à des hôpitaux de faire des performances, je me demande à quoi ça peut consister les performances de l'hôpital. Au lieu de guérir 95% des gens, on va demander de guérir 96, 97, 98%. Ah ben si c'est ça, alors très bien. Vive la performance. Mais j'ai pas l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Le contrat de performance des centres hospitaliers d'Épinal et de Remiremont n'a pas été signé ce vendredi comme prévu. L'après-midi a été mouvementé en raison de la tension entre les partenaires sociaux. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a prévu d'apporter 36 millions d'euros d'aide financière aux deux hôpitaux d'Épinal et de Remiremont, à condition que le plan de performance soit signé. Eh oui, la carotte qui fait avancer l'âne. Et il y a des, eh ben, il y en a qui vont avancer, hein. Eh oui. Et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. On va parler de sculptures. Et tu vas nous amener tes sculptures pour nous les montrer. Là, il va le faire. Ah. Amène-les, Kono. On va découvrir ensemble les sculptures. Fais gaffe, les baraqués. Alors, on va découvrir ensemble ces sculptures de Jean-Paul André qui. Ah oui. Ah oui, quand même, oui. Ça fait mes sculptures. Mais. Là, il n'y a aucun doute, c'est bien toi qui les as fait. Hein, ça, oui. C'est des sculptures faites avec des allumettes. Ah, oui, on a c'est vu. C'est que avec des allumettes. Qu'avec des grandes allumettes. Il y en a, ils les font avec des trombones ou avec des pinces à linge, mais ça, c'est avec des allumettes. Oui, avec des allumettes, ça va, je ne suis pas sourd. Avec des allumettes. Ça va, on a compris, c'est avec des allumettes. Voilà. Attends, je décapote. Oui, voilà, vas-y. Mets la clim, tu vas voir, t'entendras mieux. Alors, oui. Jean-Paul, donc ça, c'est fait. On a bien entendu. Oh, t'es mignon comme ça. Ça avait des allumettes. C'est que avait des allumettes. Oui, ça. Et avait un peu de scotch aussi. Non, mais hein. On doit avoir des allumettes. Très bien. Bon, alors. Ça, c'est grand cheval et ça, c'est petit cheval. Voilà. Le grand cheval, c'est le plus grand, le petit cheval, c'est le plus petit. D'accord. Mais il faut se méfier parce que le grand, il est plus con que le petit, des fois. Oui. Ça, de toute façon, d'une manière générale, on le dit souvent, les grands sont plus cons que les petits. Bon, alors, ensuite. Oui, enfin bon. Ça me fait pas tellement rire. Oui, moi non plus. C'est pas. Alors. Ça, c'est le grand cheval. Ça, c'est le grand cheval. Avec des allumettes. Oui, ça va, Jean-Paul. Ça, c'est le grand cheval. Avec des allumettes. Ça, c'est le grand cheval. Et ça, c'est le petit cheval. Et ça, c'est le petit cheval. Bah, alors, le petit cheval, il s'est mis à côté du grand cheval. Et oui, très bien, on est content. Alors, Jean-Paul, ça représente quoi? Il s'est mis à côté, parce que s'il n'y avait pas été le grand, il se serait mis à sa place. Hein. Très bien, alors... Mais là, il s'est dit tapis. Oui, bon, ça va, on a compris, Jean-Paul. Je vais me mettre à côté. Oui, très bien, il a trouvé de la place pour se garer, c'est bien. Alors. Jean-Paul, quel est le nom de cette sculpture? Ça, Quichotte, il s'appelle Quichotte. Ah, Don Quichotte. Non, Quichotte, c'est moi quand je l'ai fait, je le sais, Quichotte, non, ça c'est Quichotte. Quichotte mais je connais l'histoire, c'est Don Quichotte. Ça c'est Quichotte, Quichotte, et le petit Quichotte. Et Sancho Panza, qui est toujours avec Don Quichotte, c'est Sancho Panza, voilà. Non. Don Quichotte, Quichotte et Sancho Panza. C'est le grec, c'est Quichotte. Oui, Don Quichotte. Sancho Panza. Conduisez moins vite quand même. Hein? Et alors ils sont tous les deux à faire avec des allumettes. On a compris, c'est avec des allumettes. Ouais, tu m'as énervé un peu, hein. Voilà, bon, ça va, bon, d'accord, alors très bien. Alors là, on a vu ce que tu pouvais faire. Bon, il est content là, oui. Alors, Jean-Paul. Il est méchant. Oui, il est méchant là. Alors, écoute, on va. Oui. Ça y est, on a compris ce que tu pouvais faire avec des allumettes, maintenant on va voir ce que tu fais avec autre chose. Ça c'est avec quoi ça? Ça, c'est avec des punaises mortes. Ah. Alors. Une peinture. Ah, une peinture, oui. Pas loin, quand même. Avec des punaises mortes. Oui, avec des punaises mortes, bien sûr. Pourquoi tu dis mortes? Oui, parce qu'avant, je faisais avec des vivantes, mais le matin, il n'y avait plus rien. Ouais. Alors, c'est quoi la technique pour sculpter avec des punaises? Avec des punaises triées par rang de taille. Oui, mais enfin, Jean-Paul, les punaises, elles font toutes la même taille, tu sais. Oui, mais parce qu'elles sont déjà triées. Bon, d'accord. Alors, très bien. Alors, Jean-Paul, ça, tu l'exposes, ça. Je l'explose. Au profit des restaurants du cœur. Eh ben tiens, encore des gens qui n'ont pas fini de crever de faim. Alors, ça a un prix, ça? 1000 francs. Ah, quand même. Eh oui. À toi, quand tu les baises, les gens, tu fais pas semblant, hein. Oui. Alors, 1000 balles. Oui, mais aussi, je baise pas souvent. Ah ben. Tu m'étonnes à ce prix-là, hein. Bon, alors... Je suis content. Oui, nous aussi, on est très contents. Alors, Jean-Paul, maintenant, on va parler... Les réseaux sociaux constituent une caisse de résonance inédite aux infox. Alors, infox entre guillemets, mais je mettrai toute la phrase entre guillemets, moi. Bon, voilà. Médias, car la défiance tourne à la violence. Ah. Le rejet des médias n'est pas vraiment nouveau. Mais la circulation d'informations sans contrôle sur les réseaux sociaux transforme la critique en invective, menaces et violence à l'encontre de journalistes sur le terrain. Ah, tiens. Tiens. Ah bon? Fake news, Kezako. Fake news. Faut chercher le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Fake news. Fake news. Hein? Fake news. Bon, moi je vois pas. Le dictionnaire, il est à l'autre bout de la pièce, là-bas c'est trop loin. Alors, emploi, chiffre 2018, chômage, l'embellie de fin d'année. Ah. Le nombre de chômeurs a sensiblement diminué au quatrième trimestre 2018 pour s'établir à 3,676 millions de personnes, son plus bas niveau depuis la mi-2014. Mais le chômage de longue durée suit une pente inverse. Le chômage qui baisse, vous y croyez, vous, à ça? Hein? Vous croyez cette histoire-là, vous? Que le chômage baisse? Ben, regardez autour de vous. Hein? Eh oui, il n'y a pas besoin de regarder très loin. Bien souvent, parce qu'il y a quand même 10% des Français qui sont au chômage. Vous mettez assis à la terrasse d'un bistrot, et puis vous comptez les personnes qui passent sur le trottoir en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dès le 10e, c'est un chômeur. Enfin, c'est pas forcément cette personne-là, mais dans les 10 qui viennent de passer, il y a au moins un chômeur, statistiquement parlant. Hein. Et puis, ça n'est pas en train de s'améliorer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, bien le chômage, ça peut mener à des extrémités que l'on ne voudrait sans doute pas. Maintenant, est-ce que c'est évitable complètement, ça, à 100%, sûrement pas. Alors il faut que les responsables de la chose, les responsables du chômage, fassent le nécessaire vite et bien. Vite et bien. Sinon, ça va très mal tourner. Les parents inquiets pour leur école au Val d'Ajol. Ils sont inquiets, en colère. Les parents d'élèves de l'école du centre du Val d'Ajol viennent d'apprendre qu'une classe fermerait à la rentrée prochaine. La raison, les baisses d'effectifs. Ah, peut-être qu'il y a eu une baisse d'activité de la maternité de Remiremont il y a quelques années. Hein, oui. Alors maintenant, ben évidemment, s'il y a une baisse des naissances, il y a aussi une baisse, ben oui, du nombre d'écoliers. Hein. Ah, ben, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Eh oui. Mais bon, maintenant, les gens qui sont au chômage, ils hésitent peut-être à avoir des enfants. Et oui, parce qu'ils se disent que mettre sur terre des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui seront au chômage et qui vivront dans la misère parce que nos gouvernants ne gouvernent pas ou gouvernent très mal, laissent faire les puissances du mal. Voilà. Le clergé, la fermeture de l'école confirmée. L'école fermera ses portes définitivement en juillet prochain. C'est ce qu'a confirmé le maire Jean-Marie Michel, lors de la cérémonie des vœux à la population. Le tout avec beaucoup d'émotion. Ben oui, quand on voit les villages qui se vident. Ben oui, l'école, quand l'école menace de fermer, eh bien l'épicerie à côté n'en a pas pour longtemps, le café non plus, la poste, etc., etc. Et puis ben, le médecin, il va fermer sa trousse, puis il va s'installer dans la ville voisine. Et puis voilà, et puis le village meurt petit à petit. Hein, eh oui, comme ça. On a vu ça dans toutes les montagnes, et pas dans les montagnes, dans les campagnes en général, dans les quartiers pauvres, voilà. Désertification. Un samedi en jaune à Gérardmer. Environ 200 gilets jaunes se sont rassemblés ce samedi à Gérardmer. C'était le dimanche 27 janvier. La manifestation s'est déroulée de façon calme et apaisée dans le centre-ville en présence d'un service d'ordre discret. Tiens, il y a des villes où ça se passe mieux que d'autres. Comment cela se fait-il ? Est-ce que les agents provocateurs ne sont pas convoqués à chaque fois ou est-ce qu'ils ont, ils ont peut-être aussi le droit de se reposer de temps en temps, hein ? Gilets jaunes, une action collective, Lorraine, sociale. Le mouvement Gilets jaunes de Commercy a attiré près de 350 personnes venues de toute la France à Sourcy-Saint-Martin, dans la Meuse. Une démarche visant à réfléchir collectivement à une organisation au plan national. Tiens, la 6e DINA, 6e division d'infanterie nord-africaine, s'est vaillamment battue contre les Panzer Divisionen en 1940, en juin 40, dans ce village-là. Brésil, accident industriel, barrage minier rompu, le lourd bilan. Quelques 300 personnes étaient portées disparues samedi après la rupture d'un barrage minier vendredi à Brumadinho. Les chances de retrouver des survivants étaient minimes, selon les autorités brésiliennes. Mais il y avait déjà eu un accident comme ça il y a quelques années, et il n'y avait pas de sanctions qui avaient été prises. Ben non, les industriels, ils ont droit de vie et de mort sur leur personnel et sur les habitants de la vallée. Bien sûr, on peut empoisonner les gens chimiquement, on peut aussi les noyer sous un torrent d'eau ou de boue, ou les deux alternativement, voilà. Bah, tous les droits, ces gens-là, tous les droits. Dictée en simultané dans 6 villes, d'organiser depuis Belfort la dictée des nations, fait s'affronter les passionnés d'orthographe de 6 villes de France et de Suisse. Face à eux, un texte des plus ardus, écrit pour l'occasion, est destiné à faire surchauffer les ménages. Eh oui, l'orthographe c'est aussi un sport, c'est un sport très intéressant, oui. Un sport intellectuel, là. Ça fait fonctionner les ménages. Et pourquoi pas, tiens. Et si tous les électeurs se mettaient à faire fonctionner leurs ménages, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas au pouvoir les gens qu'on a au pouvoir actuellement. Alors, des fermetures d'écoles à la rentrée 2019. Ben, tiens. Si les gens, ils sont trop forts en orthographe, on peut fermer des écoles. Ça sert plus à rien. Face à la chute démographique, le département des Vosges devra rendre 15 postes à la rentrée prochaine. Les fermetures de col sont envisagées, surtout dans l'ouest vosgien. Ben oui, la désertification. On a désertifié l'est des Vosges en supprimant l'industrie. Hein. Comme ça que Remiremont est passé, a vu sa population diminuer presque de moitié, enfin un bon tiers. à cause de l'industrie qui ferme, le nombre de chômeurs qui augmente. Tiens, on m'a dit, tiens, peut-être que c'est une fracaca news aussi, que Remiremont était bien placé dans le concours pour arriver à zéro chômeur, la première ville de France sans chômeur, sans chômage. Et le département des Vosges concourt aussi dans sa catégorie, c'est-à-dire le concours national des départements. À qui sera le département qui aura zéro chômeur. Vous vous rendez compte un peu ? La vie est belle. Ah oui, on est sur la bonne pente, sans doute. Rémunération des grands patrons. En plein scandale sur les indemnités de Carlos Ghosn, le ministre de l'économie veut encadrer les rémunérations des grands patrons. Rendez-vous mardi au Sénat qui débat de la loi Pacte. Ouais. Alors, donc, le coup de frein sur les gratifications, les salaires des grands patrons. Carlos Ghosn, scandaleux jusqu'au bout. Point d'interrogation. Hein? Ben oui, tiens. Oh. Venezuela, le bras de fer se poursuit. Jean Juan Guaido a assisté à une messe dimanche. Celui qui s'est autoproclamé président de la République. Autoproclamé. Tiens, essayez de voir de vous autoproclamer maire du village, conseiller départemental, sénateur, député, que sais-je. Violence, menace les élus sur le front, dans le Grand Est. Insultes, menaces, conséquences de la crise des Gilets jaunes, les députés de la majorité LREM sont aux premières loges, de la montée des violences. Mais la défiance rattrape les élus d'opposition. La région n'y échappe pas. Alors, on voit l'entrée d'un immeuble sur lequel on a tagué le mot traître. Le traître. Ah bon? Est-ce qu'il y a des députés qui sont traîtres? Est-ce que c'est possible? Hein? Il s'agit de ça. L'autre qui me disait l'autre fois que le lâche est lâché, le traître est trahi. Oh, vous croyez ça? C'est comme ça que ça marche? Castaner, plutôt débattre que se battre. Ah, ben voilà, Castaner. Tiens, il fait de la publicité pour les rasoirs, je ne sais plus quelle marque. Vous présentez ce vendredi vos vœux aux sapeurs-pompiers depuis Nancy. Les pompiers sont de plus en plus confrontés à des violences. Comment comptez-vous les rassurer? Eh oui, ben oui, il faut rassurer les pompiers. Tiens, c'est bizarre quand même qu'on attaque les pompiers. Hein, c'est vraiment bizarre. Les gens qui agressent les pompiers ou le médecin qui vient dans tel ou tel quartier, c'est barbare, tout simplement. Hein, voilà, on a coupé les ponts avec la civilisation. Ou on est en train de les couper. Le défenseur des droits de l'homme, trop dangereux, le lanceur de balles. Des dizaines de blessés parmi les manifestants gilets jaunes. Plus de 80 enquêtes judiciaires pour suspicion de violence policière. Le LBD, lanceur de balles de défense, utilisé en France pour le maintien de l'ordre, suscite d'âpres débats. Il y a beaucoup de pays à l'étranger où il est interdit, ce lanceur de balles, soi-disant de défense. Soi-disant. Sexisme, et en plus ça fait rire. Pour son premier état des lieux du sexisme en France, le Haut Conseil à l'égalité alerte notamment sur l'humour sexiste qui perdure sur les radios et les réseaux sociaux. L'humour sexiste, c'est pas sur Radio Guimauzo qu'on verrait, qu'on entendrait ça. Hein. Alors, les maires intermédiaires du grand débat. Oui. Intermédiaires, tiens, tu parles. Il y en a beaucoup qui refusent de jouer ce rôle-là. Et puis ceux qui le jouent, bah, ils sont en train de se déconsidérer auprès de la population qu'ils sont censés conseiller, aider. Les révoltes sont multiples. Philippe Martinez, le leader de la CGT, était à Épinal ce vendredi à la rencontre de toutes les unions locales des Vosges. Il comprend la révolte des Gilets jaunes et ne se rendra pas au grand débat. Tiens, lui, il refuse de se rendre au grand débat. Oh, ben, il y en aura d'autres. Voilà. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily.

Le préfet de pouvoir le méprise et en joue. Il est l'ennemi du peuple et c'est tant pis pour vous. Novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquina. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau. Pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote. Tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Bon, je peux continuer mes petites questions? Je les attends avec plaisir. Vous savez que cette nuit, on va passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre? On me redirait une heure de ma vie à la saison au printemps, quand ça va être agréable. Vous me la rendez après, en hiver, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en hiver, quand il fait froid, quand on ne sort pas, qu'il fait nuit, vous me rendez l'heure. J'ai perdu une heure de ma vie au bon moment, vous me rendez une heure au mauvais moment que j'en veux pas. Donc, ça me met de mauvaise humeur, et pas que moi, tous les gens, quand il y a le changement d'heure, sont de mauvaise humeur. C'est arrivé, c'est notre Lorraine, c'est une paysanne qui parle. Notre Parisienne est arrivée, mais oui, madame Benoît, depuis deux jours, jamais qu'elle est belle notre Gustavine. Je ne voulais pas croire que c'était ma fille quand elle a descendu de l'auto. Mais oui, son monsieur l'a mis en auto. Oh, elle a eu la peine de trouver une si bonne place, hein. Et moi qui ne voulais pas la laisser partir à Paris, quoi d'elle. C'est un vieux garçon, riche comme Crésus. Il a fait fortune en vendant de tout et de rien. Des autos, des maisons, des chevaux, des cochons, des strocs américains. Il n'a pas encore fait faillite. Et il n'a été inquiété qu'une fois par la police. Oh, c'est un malin, c'est un chalet. Mais un brave homme tout à fait, le cœur sur la main, pas fier. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est bon, tu m'as dit, soyez tranquille pour votre fille, tu m'as dit. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, à votre Ginette. Il l'a baptisée Ginette parce qu'il dit que c'est un nom plus à la mode que Gustave, qui dit. Oh. Je n'ai pas toujours roulé auto, qui dit. Et je sais ce que c'est que d'avoir été chez les autres. Oh, dia, dia. Il serait encore valet de chambre s'il n'avait pas su faire que m'a raconté la Gustave. Il nous a embrassés tous comme du bon père avant de partir. Et il reviendra dans 15 jours pour ramener encore notre gaillard en auto, la vénarde. Elle a été vite à se dégager, hein. Par exemple, elle n'a pas été longue non plus pour mettre tous en dessous chez nous, la mandrine. Et ça ne me va pas, moi, ça, non, non, non, non. Rien n'est plus assez bien pour elle, vous pensez. Entrez donc, madame Belonne, vous verrez les belles affaires qu'elle nous a rapportées. Allons bon, la blanche qui fait danser tout notre monde avec le sacré phonographe là qu'elle leur a donné. On n'entend plus que ça toute la journée. J'en ai la tête cassée, moi. Arrête-toi un instant, ton perroquet dans le but de ta vie. Et montre plutôt à madame Belot tous les afflutions que voudrais que je me mette pour être belle. Elle est folle, ma pauvre madame Belot. Regardez voir la belle robe pervenche là, en crêpe Georgette, qu'elle dit. Non, mais vous voyez une grosse dondon comme moi, avec l'espèce de cuisse trop courte là, en pur d'oignon. Oh, j'aurais l'air d'une enfant de cœur, moi. C'est bon pour toutes les jeunesses d'aujourd'hui qui sont comme des planches à repasser, hein. Avec ça, elle voudrait que je mette les bas de soie crevettes là et les petits souliers en peau de serpent, comme elle a là. Ah ben, j'en habite une entorse. J'ai pas l'habitude des échasses, moi. Qu'est-ce que veut ma pauvre Gustavie? Ça ne me changera pas, non. T'auras beau faire, je n'enlèverai jamais mon corset cuirasse, non. ni ma chemise à manches en toile d'hydrate, non, ni mon pantalon fendu en pilou pestonnet, non, ni mon gros jupon en rouge flanelle, non, pas plus que mon caraco en jersey qui me tient si bon chaud, et ma jupe à la mode de la mer gigogne, comme te dis. Mais je grelotterai toute la journée avec tes combines et tes souvent-fuyères, non, tes soutiens-gorges en toile d'araignée, c'est comme le chapeau là. Tu ne penses pas que ma grosse capote pourrait rentrer dedans? C'est bon pour ta tête de moineau, j'ai des cheveux, moi. Comme l'avait l'Éléonore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. T'as déjà fait couper la moustache de ton père à la Charlot, et c'est du propre. Mais moi, tu ne me feras pas un trou de la garçonne. Ah non, alors. Mais la bon cœur tout de même, la Gustavie, elle n'a oublié personne. Regardez Warren, que le gros sac à main là pour sa petite sœur avec la glace. Et tout le tralala pour se mâchurer le museau. Un cinéma pour le gamin. Le sacré phonographe là pour son grand frère. Un briquet électrique pour son père. Et un évaporisateur pour moi. Je vous demande, c'est trop. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Hein? Oh, John. Et elle dit qu'elle nous enverra un petit citron pour nos étrennes pensées. Et elle veut nous permettre le téléphone. Ah, ben non, ça alors, nous n'en voulons pas de la mécanique là chez nous. Non. On est déjà bien assez espionnés comme ça par ses voisins. C'est bon. Et pourquoi pas la TSF pendant que tu y es ? Ah, tu nous agaces avec toutes tes manières, toutes tes artistes, c'est vrai. Tu n'as plus que ça dans la bouche maintenant. La TSF, ou la radio style, la radio là, il ne manquerait plus que ça pour devenir tout à fait enragé. On en a bien trop de la TSF. Les pétards l'ont installé chez eux à côté. Alors maintenant, toute la journée, on entend Bistinguette chanter la Valencia ou bien « Ah, qu'il était beau, mon village, mon Paris, mon cher Paris. » Ça fait rigoler, toi, Gustavie, te t'en lave pas de la rengaine, de l'oubain. Si à la fin d'abord, je vois bien que tu ne te plais plus avec nous, t'es trop chic à présent, ça fait un bêche. T'as tout le temps le nez pourri dans des romans feuilletons, ou bien t'es là à frotter les ongles, que je te frotte et je te frotte. T'as même eu tout fait de vouloir frotter les miens, moi, oh, ma pauvre petite bébère. Te le feras pas la policier, nous, non, nous n'avons pas besoin de sergent-major. Et puisque t'es mis comme un sac de puce, et ben t'as qu'à faire tourner nous ce que te devient. Mais t'en feras le plaisir d'abord d'en mettre en ordre tout ce que t'as bousculé chez nous. C'est un vrai champ de bataille, ma pauvre madame Belote, où une vache ne retrouverait plus son bon. Un peu plus, elle aurait enlevé le bois de lit pour mettre le somnier par terre. C'est la mode, qu'elle dit, avec des coussins. Non, mais, ça me passe la belle Fatma ici, ma fille. Et surtout, ta vie explique de ménager les fromages qui sèchent sous le lit, ou sans ça, t'auras faire à mouer. Il n'y a pas de meilleur endroit, voyons. Je vais penser, mademoiselle réclame une baignoire. Elle dit que ça lui manque, qu'elle a l'habitude de se tremper tous les matins. Mon Dieu, dans ma pauvre enfant. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle prenne des mauvaises habitudes. Et ta pudeur doit être honteuse. Où est-ce qu'on en serait s'il fallait seulement se laver les pieds tous les jours, voyons. Il est bien temps de se droguer quand on est malade. Comment ? Il y a une toilette dans la chambre. Mais bien sûr qu'il y a une toilette dans la chambre. Et une belle garniture en payant sa fleur encore. Le pot de chambre pareil et tout et tout. Mais c'est pas pour s'en servir de la toilette là. C'est pour la paraître. Il n'y a qu'une fois que Monseigneur l'évêque s'en a servi quand il a vu pour la confirmation. Eh bien, si jamais tu te maries, tu seras bien contente de la trouver pour ta nuit de noces, la toilette là. Eh ah, en attendant, tu feras comme nous. Tu viendras te débarbouiller à la cuisine. Sous la pierre en haut. Et puis je te le dis encore une fois, ma pauvre garde, si l'hôtel n'est pas à ta convenance, eh bien t'as qu'à prendre des cliquettes et claquettes et aller trouver ton beau monsieur dans ton nouveau village. Tu sais, celui que tu chantes si bien. Oh, qu'il était beau mon village, mon Paris, mon cher Paris. L'avenir en commun. Introduction de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle. Notre pays est neuf. L'urbanisation accélérée et le métissage de sa population depuis un siècle, l'élévation fantastique du niveau d'éducation de son peuple, la mise en œuvre des conquêtes sociales l'ont métamorphosé. Notre pays est jeune. Sa population sera bientôt la première en Europe. Notre pays est puissant. Son économie compte parmi les premières du monde. De tout cela, que faisons-nous à l'heure où l'humanité entière doit relever les plus grands défis collectifs du fait du dérèglement climatique et de la menace d'épuisement qui pèse sur l'écosystème ? Regardons-nous. Le pays est défiguré par le chômage, la pauvreté, le productivisme le plus aveuglé et les communautarismes fielleusement entretenus. Pillé et démoralisé, il est rendu incapable de déployer son formidable potentiel humain, technique et culturel. La finance, la cupidité, les préjugés de classe, le sexisme et le racisme ordinaire pourrissent tout. Quel genre de pays sommes-nous devenus au bout de 30 ans de gâteries aux puissants jamais rassasiés? Le nombre des millionnaires augmente, mais ces millions de salariés, ouvriers, employés, ces paysans se désespèrent, ces retraités peinent à boucler les fins de mois. Des centaines de milliers de familles travaillent dur et sont devenues pauvres, ces diplômés vivent dans la précarité. Les suicides des salariés s'ajoutent aux centaines de morts annuelles sur le poste de travail. Voici les seniors jetés au chômage dans l'attente d'une retraite sans cesse repoussée. Les classes moyennes s'enfoncent dans la gêne, jusqu'aux artisans, commerçants, chefs de petites entreprises qui enragent quand la finance déserte la production réelle, vide les carnets de commandes, ubérise tout et ponctionne un pesant impôt privé à coup d'intérêt ou d'agio sur la moindre transaction. Quel genre de valeur domine notre pays quand ses enseignants et ses personnels de santé sont si mal payés et si maltraités au travail? Où est la République quand l'État a honte de lui-même? Quand ses serviteurs sont traités comme des parasites encombrants? Quand ses services publics délabrés ne tiennent plus que par l'acharnement au travail de leurs salariés? Quand la désorganisation territoriale met les populations en concurrence et éloigne toujours plus les citoyens du pouvoir? Quel est ce pays désormais livré aux abus de l'état d'urgence? Quelle infamie quand des salariés sont destinés à la prison pour avoir défendu leur emploi? La liste de ces hontes est longue. Je crois qu'on peut en finir avec tout cela. Notre peuple a le goût du futur. Les nouvelles générations, comme les autres avant elles, vibrent du même désir d'avoir une vie digne de leurs espérances. Notre pays déborde d'énergie et de savoir-faire. Il est aux avant-postes des domaines les plus avancés de l'esprit humain. Il regorge de bonne volonté, d'envie de se rendre utile, d'imagination et de capacité de création. Sa langue est en usage commun dans 29 pays du monde et elle formera le troisième groupe de locuteurs d'ici peu. Avec ses 35 frontières, si la France développe son identité universaliste, elle peut coopérer directement avec les peuples de tous les continents. Si elle se rend indépendante, elle peut contribuer en première ligne à la paix du monde. N'est-ce pas terriblement urgent face à la menace montante de guerre généralisée? Vous avez entre les mains un programme conçu pour répondre positivement aux défis de notre temps. Ce programme a été préparé sur de longs mois de travail collectif, mais au-delà même des milliers de personnes qui l'ont mis en forme, sachez qu'il emprunte aussi très largement aux travaux des associations, des syndicats et des collectifs citoyens. Car depuis des décennies, ceux-ci ont maintenu éveillées les consciences et mené l'action de terrain que la caste des puissants a toujours méprisée. Ce programme a une cohérence. Un fil commun relie ses chapitres et les mesures qui le composent. J'en résume rapidement les aspects. À nos yeux, l'urgence écologique, le désastre social et le délabrement de la démocratie sont les trois visages d'une même réalité. Nous étouffons sous le règne de la finance. Elle gouverne le monde avec sa cupidité insatiable, sa certitude absurde que les intérêts particuliers sont seuls légitimes, que tout peut s'acheter et tout peut se vendre, que le libre-échange des marchandises et la circulation sans contrôle des capitaux sont les meilleurs organisateurs de toutes les activités humaines. Voilà bien ce qui détruit la planète et les êtres humains. Et pire que tout, le règne de la finance détruit cette formidable capacité des êtres humains à coopérer entre eux pour résoudre leurs problèmes, ce que nous nommons démocratie. C'est pourquoi la priorité pour nous, c'est de donner le pouvoir, tout le pouvoir, au peuple, c'est-à-dire à la communauté humaine, parce qu'elle est la mieux placée pour s'occuper de son intérêt général. Le peuple souverain doit définir lui-même ses règles de fonctionnement politique. La monarchie présidentielle doit être abolie. La convocation d'une assemblée composée de gens qui n'ont jamais été élus au Parlement auparavant pour écrire une nouvelle constitution est l'acte fondateur par lequel nous commencerons le prochain quinquennat. Vous lirez les propositions que nous faisons pour que le peuple, après cela, garde sa capacité d'initiative, tout en garantissant la nécessaire stabilité des institutions. Pendant que cette assemblée constituante fera son travail, tout le reste du programme commencera à être mis en œuvre. Avec la planification écologique, nous organiserons le changement global de notre façon de produire, d'échanger et de consommer pour mener une vie en harmonie avec la nature dont nous sommes partie prenante. Cette organisation est nécessaire pour passer à l'agriculture paysanne, développer l'économie de la mer, substituer 100% d'énergie renouvelable et sortir méthodiquement du nucléaire. 300 000 emplois dans l'agriculture, 300 000 dans l'économie de la mer, 900 000 pour la transition énergétique, c'est beaucoup d'emplois qualifiés à pourvoir. Il faudra donc répondre à un fort besoin d'enseignement professionnel et de qualifications de haut niveau. Cela prouve que le progrès humain est la clé du progrès écologique et de l'activité économique. La culture, les sciences, le sport, tout ce qui augmente, protège ou répare les capacités proprement humaines est le moteur du nouveau modèle que nous proposons. Nous récusons la violence crue généralisée que le système actuel fait subir à tous les êtres sensibles, humains et animaux. Nous nous donnons les moyens d'une société en pleine conscience de sa participation à tous les aspects de la vie de la planète. C'est pourquoi nous voulons que la France soit une nation universaliste, qu'elle soit avant tout un facteur de paix, alors que se précise la marche vers une guerre généralisée. Pour cela, notre pays doit conquérir son indépendance, sortir de la coalition militaire agressive qu'est l'OTAN, afin d'agir pour construire une nouvelle alliance altermondialiste des peuples, et peser de tout notre poids pour créer un monde ordonné autour de la communauté des nations qu'incarne l'ONU, en dépit de ses défauts. Plutôt qu'à la guerre et aux compétitions, c'est aux coopérations que nous voulons nous consacrer. Notre priorité doit être de nous tourner vers les frontières de l'humanité et d'y apporter notre contribution active, la mer, l'espace, les mondes du numérique. Là encore, l'expansion humaine doit entrer dans une phase de pleine responsabilité et de prise de conscience des enjeux du long terme. Rien de tout cela n'est possible sans une profonde et méthodique réorganisation de l'usage et de la répartition des richesses produites. Qu'est-ce qu'une richesse ? Cela doit être repensé et agir contre les abus de l'obsolescence programmée, des incitations à un consumérisme irresponsable et à un mode d'alimentation nocif. Une société plus égalitaire est nécessaire non seulement pour donner à chacun les moyens de développer son potentiel personnel, mais aussi pour en finir avec un modèle d'arrogance, d'accumulation et de consommation ostentatoire aussi nuisible et immoral que ridicule. Un barème d'impôts progressif étalé sur 14 tranches, une échelle des salaires limitant l'écart de 1 à 20 au maximum, le partage du temps de travail libéré par les progrès de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, réparti dans la semaine, le mois, l'année et dans la durée de la vie professionnelle, la limitation du droit du capital en fonction de la durée de son investissement, la définition d'une véritable citoyenneté dans l'entreprise, le droit de préemption des salariés pour acquérir en coopérative leur entreprise. Voyez-vous-même au fil des pages comment nous avons pensé la transition vers une société plus douce et donc plus égalitaire dans ses rapports sociaux. Pour cela, il faut balayer la caste qui a capté le pouvoir. Il est grand temps de réparer les dégâts de la sombre période que nous venons de vivre. Nos vies ne doivent plus être dominées par le règne du temps court, le patriarcat, la peur du lendemain, la guerre de chacun contre tous et l'abrutissement publicitaire. Le progrès humain peut devenir notre boussole. Il faut pour cela changer le cadre fondamental dans lequel la France agit. Les traités européens nous retirent toute liberté d'action. Devant la décomposition de l'Union européenne et ses brutalités croissantes contre la démocratie, devant son obstination à opposer entre eux les salariés des pays membres en refusant toute harmonisation sociale et fiscale, et contre ses propensions belliqueuses, tout commence par la reconquête de notre indépendance. Cette Europe-là, soit on la change, plan A, soit on doit la quitter, plan B. Et c'est par là que tout commencera. Loin du déclinisme, épousant le goût des grandes épopées collectives de notre histoire, Notre projet est celui d'une France insoumise et fière de l'être, au service de l'avenir en commun des êtres humains. Un programme en évolution permanente. Ce programme est le fruit d'une élaboration collective animée par Charlotte Girard, juriste, et Jacques Généreux, économiste. La démarche a commencé le 10 février 2016, dès la proposition de candidature de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2017. Notre point de départ est l'humain d'abord, le programme porté par Jean-Luc Mélenchon en 2012 qui a recueilli 4 millions de voix. Depuis des mois, nous travaillons à son actualisation et à son développement. La première étape du processus a ouvert les portes à tous les soutiens. Entre les mois de février et août, environ 3000 contributions ont été déposées sur le site internet jlm2017.fr par les Insoumis. Elles ont été lues et synthétisées par une équipe d'une vingtaine de rapporteurs répartis par thème. Pour la deuxième étape, nous avons organisé 16 auditions programmatiques avec des chercheurs, des professionnels et des militants afin de dessiner les axes majeurs du programme et de préciser les conditions de sa mise en œuvre. Dans un troisième temps, les forces politiques appuyant la candidature de Jean-Luc Mélenchon ont aussi apporté leur contribution. Ce document met donc en commun toutes ces idées, il est le fruit de toutes ces contributions. Le 16 octobre 2016, la Convention nationale de la France insoumise a transmis ce document au peuple français en vue des élections présidentielles et législatives de 2017. Mais le travail collaboratif ne s'arrête pas là. Ce texte ne clôt pas la réflexion, il lui donne un nouvel élan. Le programme de la France insoumise est un objet vivant. Tout au long de la campagne, nous allons donc l'enrichir encore et affiner les propositions. Ce sera fait par l'élaboration tout aussi collective de livrets thématiques. Nous voulons également renforcer son caractère opérationnel en organisant des ateliers législatifs pour rédiger les premières propositions de loi que nous souhaitons faire adopter. Nous voulons enfin que la campagne soit instructive et qu'elle donne à penser. Les universités populaires de la France insoumise y contribueront. Vous pouvez suivre cette actualité en continu sur le site internet www.jlm2017.fr. Charlotte Girard et Jacques Généreux.